Unité 9, 2B. Diane Duchesne, bonjour. Bonjour. Diane Duchesne, vous êtes spécialiste de littérature orale. Alors dites-nous, est-ce que le conte existe dans toutes les cultures ? Oui, dans toutes les cultures, on raconte des histoires aux enfants pour qu'ils s'endorment. C'est donc l'une des fonctions universelles du conte. Et est-ce que les contes sont les mêmes partout ? Oui, habituellement, dans un conte, le héros affronte des difficultés et réussit à les surmonter. Mais bien sûr, chaque culture a ses héros typiques. Les animaux symboliques sont aussi différents. Ainsi, dans les contes européens, le rôle du méchant est très souvent représenté par un loup. Les contes sont pour les enfants, certes, mais y en a-t-il aussi pour les adultes ? Bien sûr. Traditionnellement, les contes étaient aussi un divertissement d'adultes. Ils permettaient de critiquer les injustices sociales. Aux Antilles, par exemple, les esclaves inventaient des contes où ils ridiculisaient leurs maîtres. C'était pour eux une forme de défoulement. Et est-ce que tous les contes ont la même structure ? Oui, les contes suivent toujours plus ou moins le même plan. Ils commencent par une formule rituelle et ensuite le héros est présenté. On dit qui il est, où et comment il vit. Puis, un problème surgit. Ça peut être une séparation ou une mauvaise rencontre. Alors, le héros cherche des solutions. Les premières ne fonctionnent pas, mais il finit toujours par trouver la bonne. Tous les contes finissent bien.